Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester. J'suis comme Lester dans le labo. J'fume des terres dans le labo. J'prends le cash, j'prends le magot. J'suis comme Lester dans le labo. Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester. J'suis comme Lester dans le labo. J'fume des terres dans le labo. J'prends le cash, j'prends le magot. J'suis comme Lester dans le labo. Je reste loin du rap français, comme si j'habite le Montana. Aussi wavy que Montana, au mix j'ai les techniques de Montana. Chaque projet attendu comme turbo bandana. Réveille toi chaque jour, fuck le lin, R.E.P. Fredo Santana. Comme les serres avec le plan, je suis avec la sec, je suis avec le clan. Shenzhen négro dans le sirop, toujours avec le lin, jamais avec le clan. J'arrive tatoué comme un MS-13, SO21-29-7. On les fouette, SOK qui marque 0 points même en 29-7. Mes deux facons dans le colis, sur la prod drift comme dans colline. Shenzhen j'arrive d'Alsen comme Ferdinand Colli, propagation comme le gaz dans H1. Prochaine, ouvrez vos livres en trajet. Chris Corleone, 667 et qu'est les polars dans le bassin. Galère. H24 fonce car Vlad artifice comme KDD. Dans le milieu sans aucun stress, j'ai la vision, je transige comme KDB. SO224, négro destin sous la dalle l'île sud. Audio crack, on vous fournit la cam comme les nègres de la rive sud. Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester. J'suis comme Lester dans le labo. J'fume des terres dans le labo. J'prends le cash, j'prends le mago. J'suis comme Lester dans le labo. Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester, Lester. J'suis comme Lester dans le labo. J'fume des terres dans le labo. J'prends le cash, j'prends le mago. J'suis comme Lester dans le labo. J'reste dans du rap français, comme si j'habite le